Comment? Les Gibbats. Pas de radio. Et... pas d'insulte. De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous. Il est exactement 0h28 sur Fun Radio et c'est les débats de Gérard. Donc vous pouvez nous appeler au 0870 5000, 0803 08 5000. Manu vous attend au standard et apparemment les 24 lignes sautent. Bonsoir, ouais. Et Rigo sur l'internet, www.funradio.fr. Oui, bonsoir à tous. Et Fielder, ce soir, à la pro. Attends, je suis en train de arrêter quand même là. Ok, donc le débat ce soir, ça porte sur les nains de jardin. Donc on va accueillir pour ça, gros micro, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Salut. On va accueillir Nénuphar. Ouais, salut à toi, GG. Bonsoir. Ouais, salut. Et on va accueillir Jean, j'en sais rien, donc là, c'est, ça c'est quoi ça? Ouais, salut GG, bonne année. Ouais, bah bonsoir. Donc, merci. Et donc, mon premier débat, ça va porter sur la sur les nains de jardin. Donc, je vous pose la première question. Possédez-vous un nain de jardin? Si oui, où et comment? Donc, on va demander, ben, Nénuphar, tiens, pour commencer. Ouais, bah écoute, moi, je pense que les nains de jardin, il faut les laisser vivre sauvages dans la forêt. Non, bah attends, alors déjà, je sais pas où t'as déjà vu des nains de jardin dans la forêt, mais ça, à mon avis, tu vois, là, tu te fous un peu de ma gueule, hein. Non. Non mais attends, déjà tu vas commencer par te calmer, d'accord? Mais je suis très calme. Ok, donc on va demander à... Bah, j'en sais rien. Bah moi j'ai un appartement miteux dans le 20e, mais j'ai pas de jardin. Donc j'ai pas de nain de jardin, irrémédiablement. Ok, donc gros nénuphar pour toi? Ouais, j'ai déjà répondu l'aspire. Bah gros micro pour toi. Ouais, bah moi j'ai un nain de jardin dans mes chiottes. Et je fais des partouzes avec lui et Blanche-Neige. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, toi, si c'est pour raconter des conneries dans le débat, hop, tu vas gérer vite fait, alors. Tiens-toi sur tes gardes, ok? Donc, moi, je vais vous répondre à la question, donc... T'es obligé? Non, mais attends, vous fermez vos gueules? Non, c'est vrai qu'on pourrait bien commencer l'année, tu pourras te faire un peu. Ouais. Alors, dans ces cas-là, toi, tu gères, d'accord? Toi, tu gères ça, maintenant. Parce que là, j'ai pas envie de commencer. Dès le début de l'année, vous commencez à foutre votre merde, alors vous gérez ça, ok? Ouais, c'est joli. Oh! Putain, je sens que ça va gerber tout à l'heure. Donc, moi, ce qui me concerne, je peux vous dire que j'ai pas de nain de jardin chez moi, et de toute manière, j'en vois pas trop d'utilité, donc... Ouais, mais toi, t'en as pas besoin, toi, t'as déjà une grosse de jardin à la maison. Oh, putain. Donne-le des champs. Tu fermes ta gueule! Et putain, j'en connais un tout à l'heure qui va s'en prendre une, mais méchante dans sa gueule. Joue bien. Et tu vas rentrer chez toi vite, mais d'accord? Oui, Rigo. Oui, Gérard, sur internet, il y a Yonki qui te demande si tu t'es déjà fait enculer par un nain dans ton jardin. Ben moi, j'y suis tué. Alors, dans ces cas-là, si c'est pour poser des questions pourrites, je ne répondrai même pas. Donc, avant d'attaquer la conclusion, il y a un petit sondage. Donc, pour la question, possédez-vous un nain de jardin? Si oui, où et comment? Il y a 55% des gens qui n'ont jamais de pièce de 10 francs pour mettre dans le caddie au supermarché, donc là, je vois pas du tout le rapport avec les nains de jardin. 33% des gens nous disent qu'ils sont végétariens, donc là c'est pareil, ça c'est des conneries. Et 19% ne sont plus abonnés à Okapi. Donc là je vois pas du tout le rapport non plus. Alors dans ces cas-là, Gaël, tes sondages, bidon, tu peux te les foutre là où tu penses. Donc on va attaquer la conclusion. Donc, on va commencer par gros micro pour toi. Ouais, alors moi et mon âme jardin. Allô, bébé rose, c'est ta petite boule adorée. Hé, tu fais ton boulot ou t'appelles ta copine, toi, connard? Mais attends. Sophie, elle est chaumont, hein, je te le dis. Oh, tu te fous de ma gueule? Non, mais attends, tu te fous de ma gueule là ou tu prends le train, toi, connard? Tu fais ton boulot comme il faut, ok? Ouais. Bon allez, Gérard, enchaîne. Donc, conclusion. Donc, je disais, grand micro pour toi. Ouais, moi et mon âne jardin, on te suit dans le bec. Ah bah, dans ces cas-là, moi, je t'emmerde aussi. Alors, dégage. Bonne nuit, grand micro. Donc, j'en sais rien pour toi. Ouais, je voulais te dire que c'est dommage que tu fasses pas les débats à la place du vrai Gérard, parce que t'es plus posé. Et est-ce que tu pourrais me passer la grosse vilaine au standard, après? Ok, dans ces cas-là, je vais te la passer, de toute façon... c'est pas mon problème, tu t'arrangeras avec quelle antenne. Donc, Nénuphar pour toi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je voulais dire qu'il y a trop de discrimination entre les nains des villes et les nains des champs. Mmh. Et voilà, il faut accepter tout le monde, les nains de jardin, les nains de balcon, les nains de terrasse, tout ça. Ah, ok, toi je crois que tu vas faire... Les nains de standard aussi. C'était tout raide, ça. Oh là là là là, je sens que je vais arrêter dans, il y aura même pas de conclusion, je sens que je vais arrêter dans deux secondes. Donc, bah, moi, en ce qui me concerne, le débat ce soir, c'était de la merde comme d'hab, parce que entre Fulder, lui, tu fous rien, alors à la pro, la semaine dernière, elle était au standard, mais pff, que dalle, il nous fout sa merde. Manu, lui, passe ses coups de fil à Bébé Rose, alors si c'est pour passer tes coups de fil, tu vas les passer chez toi, ok? Et Kael, qui nous fait des sondages bidons, alors là, si c'est pour nous faire du bordel dès le début de l'année, bah, je vais vous dire une chose, c'est même pas la peine que vous veniez la semaine prochaine, parce que ce soir, il y a que Rigo, pardon, qui a été capable de faire du bon boulot, alors tenez-vous-en sur vos gardes. Donc, oui, Rigo, on est arrivé à combien ce soir sur Internet? Oui, énormément de monde sur l'IRC. On a atteint les 9128 internautes, où on dit d'ailleurs encore un débat sans queue ni tête, comme toi, Gérard. Ben ouais, mais c'est pas de ma faute, parce que si Fulder et Manu, ils avaient pas foutu leur bordel, ben on n'en serait pas arrivé là, donc voilà, quoi. Et on va s'écouter un petit disque quand même. On va s'écouter Tatailler la grande pompeuse de Suresnes avec Parle-moi, parle pas la bouche pleine, et voilà. Donc maintenant, vous allez retrouver Blondeau pour les nuits sans pub, et demain, 22h, Max avec Jean le Berbère et sa boule de cristal. Donc bonne nuit à tous.